midi. C'est ma version violente pour les inconnus du système alcoolique du vide fait. Grosse tempu de Riken, le rap classique, la vie pleine d'authenticité. Avant de distribuer les plaques, sachez qu'il y a des gosses dans nos cités. C'est vrai que ma vie, c'est pas celle de Montana. Et je passe mes jours à essayer d'ouvrir mon cadenas. Y'a plus de MC sérieux, le rap est craignos. Sa vie pour le huc et sa crève pour les Bezos, frère. Ma génération, on n'entend pas les coups de sifflet. Tu veux jouer les durs, mais c'est ma merde que tu vas nifler. T'as le choc dans les tapons, on te manipule comme un tapon. Alors rush tes bling bling et tes lunettes claquent. Tu vas finir flingué du plomb dans la mâchoire. Écoute nos sons, crois-moi, c'est la voix, toi. Y'en a tant qui tente, y'en a tant qui regrette. C'est non-stop, le vrai, t'as pas de pause ni break. T'as voulu une carotte, mec, mais tu peux pas me stop, mec. Tu crois m'arrêter, arrête de fumer la moquette. Mon bras à lance, ok. Allez, sale chien, retourne bouffer tes croquettes. T'as voulu une carotte, mec, mais tu peux pas me stop, mec. Tu crois pouvoir m'arrêter, arrête de fumer la moquette. Mon bras à lance, ok. Allez, sale chien, retourne bouffer tes croquettes. Blondasse, chienasse, tu veux une bestiale bite fraîche. Je rappe comme un paumé, comme un état d'ivresse. Pour ma part, je rappe un B et je représente mon DPD. Je fais grapper d'un père qui était braqué, V6, RAP. Chacun son paysage, chacun son terre-terre. Un peu plus de respect à chaque anniversaire. Dans tous les cas, si tu veux me tester, c'est que tu me connais. Même si tu critiques, gars, ça me fait déconner. Notre idole, c'est Pandora, c'est l'argent 47. Tu es minimum 14 flics par enquête. Une vie mal remplie, selon moi, pas de vie routine. Sous l'ordre mythomane contre Vladimir Poutine. La voix qui déraille, les corps qui sortent quand t'entends pour les souffrir et les portes qui se forment. Mauvais endroit, mauvais moment, comme Ernesto, le gars va cramer les scénarios. Catastrophe, comme être pédo à trembler. T'as voulu une carotte, mec, mais tu peux pas me stop, mec. Tu crois m'arrêter, arrête de fumer ma moquette. Mon bras à lance, roquette. Allez, sale chien, retourne bouffer tes croquettes. T'as voulu une carotte, mec, mais tu peux pas me stop, mec. Tu crois pouvoir m'arrêter, arrête de fumer ma moquette. Mon bras à lance, roquette. Allez, sale chien, retourne bouffer tes croquettes. Passe ma vie dans un city, c'est ma place, donc tu bouges. Un massacre à la poutre, le goût de la nasse dans la bouche. La chiasse dans ta couche, à la hache, genre je bouge. Putain de meuf, putain de bon cul, à la plage, tu louches. C'est ma vie, c'est clic-clac, mon frère ou mon cousin. Un mec, c'est sing-song, malade sous mon coussin. Casse-boule sur les racistes, la soul sur les graphistes. Ton rap grave et sévère, alors poto, on est artiste. Planquer les couteaux pour cette vie flingante. Ça attire les regards, tous ces billets de 50. Allô? Allô? Est-ce un bâtard, t'arrêtes le rap tout de suite, bro? La gueule, faut que tu me. Je te cherche pas, mais tout le monde aura nié ta mère. Bah ramène, bâtard. Reste tranquille, enculé. Comment tu me parles, gros? Chien. Dégueu, bâtard. Yeah. T'as voulu une carotte, mec, mais tu peux pas me stop, mec. Tu crois pouvoir m'arrêter, arrête de fumer ma moquette. Mon bras à lance, roquette. Allez, sans chien, retourne bouffer tes croquettes. T'as voulu une carotte, mec, mais tu peux pas me stop, mec. Tu crois m'arrêter, arrête de fumer ma moquette. Mon bras à lance, roquette. Allez, sans chien, retourne bouffer tes croquettes. Yeah. Pour tous les rageux. Capable de faire du mélancolique, capable de faire du lourd.